بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux qui fait largement miséricorde. L'ensemble des louanges reviennent de droit à Allah. Je lui demande de couvrir d'éloges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ainsi que les membres de sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous avons commencé à aborder la fois dernière un bref exposé des signes de la véracité du prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit que cela se manifestait à plusieurs niveaux, notamment au niveau de ce don d'éloquence que lui a attribué Allah. Et nous avons essayé de développer sur ce sujet-là, tout en restant dans la concision. Nous avons également dit que sa véracité se manifeste au niveau des informations qu'il donna sur des faits qui se déroulèrent comme annoncés. Et c'est sur ce point-là que nous allons essayer de nous pencher aujourd'hui, si Allah le veut. Il faut savoir que les informations qu'il a apportées sont de différentes sortes. Certaines de ces informations sont relatives aux communautés passées et relèvent donc des récits relatifs aux différents prophètes pieux et personnes vertueuses. Également, ces informations-là relatives aux communautés passées touchent à divers événements qui ont pu se dérouler et à propos desquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté des informations très précises. Deuxièmement, au niveau d'événements qui se sont déroulés de son vivant sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, au niveau d'événements futurs qui se sont déroulés donc par la suite, comme il les avait annoncés. Et quatrièmement, au niveau de réalité qu'il exposa et qui ont été découvertes par le biais d'études scientifiques après son décès, sallallahu alayhi wa sallam, est inclus dans cela ce que l'on appelle les miracles scientifiques, al-i'ajaz, al-ilmi, et plus spécifiquement les miracles médicaux, al-i'ajaz, al-tibbi. Concernant le premier point, savoir les informations relatives aux communautés passées, on peut retourner vers plusieurs ouvrages qui ont été composés à cet effet. On peut revenir vers les livres consacrés à sa biographie ou aux signes de sa prophétie, et nous avons déjà eu l'occasion d'en mentionner un certain nombre. Et on peut également revenir vers les livres d'exégèse, c'est-à-dire le commentaire du Coran, et vers les livres de hadith. Concernant le quatrième point, nous aurons l'occasion de l'aborder ultérieurement, si Allah nous le permet. C'est là un point très important qui nécessite une certaine attention et une certaine rigueur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les événements qui se sont déroulés de son vivant et des événements qu'il avait annoncés et qui par la suite se sont déroulés conformément à ces annonces sallallahu alayhi wa sallam. Concernant des événements qui se sont déroulés de son vivant, on peut citer certains exemples. Et là encore, et j'insiste, ce ne sont que des exemples. On ne vise en rien l'exhaustivité. Mais ces quelques exemples permettent de mettre en évidence ce que l'on avance et permettent d'indiquer également l'existence d'autres exemples qui pourraient être cités. Al-Bukhari et Muslim ont recueilli un hadith qui a été rapporté par le noble compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu. En effet, ce dernier a relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour annoncé aux gens le décès de An-Najashi, c'est-à-dire du Négus, le roi d'Abyssinie. Et ce, le jour de sa mort. Le jour de sa mort, il a annoncé aux gens son décès. Il se dirigea alors en leur compagnie vers le lieu de prière et proclama à quatre reprises qu'Allah est le plus grand. C'est-à-dire en disant Allahu Akbar, ce qui signifie qu'il a accompli la prière funéraire à l'égard du Négus. Et ce, donc, le jour de son décès. Il a été informé de cette chose-là, par révélation, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est avéré qu'effectivement, le Négus, Al-Najashi, était bien décédé ce jour-là. À l'époque, bien sûr, les moyens de communication actuels n'étaient pas à disposition et des informations relatives à ce qui pouvait se passer dans des pays lointains n'arrivaient que des jours, voire des semaines, voire des mois plus tard. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su le jour du décès du Négus que ce dernier était mort. Également, on peut citer ce récit recueilli par Al-Bukhari et qui est rapporté par le noble compagnon Anas, radiyallahu anhu, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que lors d'une bataille, le noble compagnon Zayd ibn Haritha tiendrait l'étendard, puis serait atteint par les attaques ennemies. Et qu'ensuite, ce serait Abdullah ibn Rawaha qui prendrait l'étendard et qui serait également touché par les attaques ennemies. Puis que ce serait Ja'far qui hériterait de l'étendard et qui serait également par la suite touché par les attaques ennemies. Et il annonça également que, suite à cela, Khalid allait s'emparer de l'étendard et que c'est à ce moment-là que se concrétiserait la conquête et cela se déroula comme il l'avait annoncé, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc deux exemples illustrant ce que nous avons exposé, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé d'un certain nombre d'événements de son vivant qui se sont déroulés comme il l'avait annoncé sallallahu alayhi wa sallam. Il a également annoncé des événements futurs qui allaient donc se dérouler par la suite et qui effectivement se déroulèrent comme il l'avait annoncé. On peut citer ici certains exemples. Notamment le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé la proximité de son décès sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Al-Bukhari et Muslim ont recueilli dans leurs authentiques respectifs un récit rapporté par le noble compagnon Abu Sa'id radiyallahu anhu qui a relaté que peu de temps avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons en disant: Allah a donné le choix à un serviteur entre le fait de prendre ce qu'il veut de la parure de ce bas monde et ce qui est auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. En entendant cela, Abu Bakr se mit à pleurer et il dit: nous renoncerions à nos pères et mères pour ta cause, ô messager d'Allah. Et les gens furent surpris donc de la réaction de Abu Bakr. Ils se sont dit qu'après tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait fait que parler d'un serviteur à qui le choix avait été donné entre jouir de la parure de ce bas monde et choisir ce qu'il y a auprès d'Allah. Mais en réalité, Abu Bakr avait compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc annoncé la proximité de son décès dans cette situation-là, mais également dans d'autres contextes, notamment durant son pèlerinage quelques mois avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait allusion au fait que sa fin était proche. De même qu'il a annoncé à sa fille Fatima radiyallahu anha, comme nous allons le voir si Allah le veut. D'ailleurs, cela nous mène à un autre exemple. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que sa fille Fatima radiyallahu anha serait la première personne à le rejoindre parmi les membres de son foyer. En effet, Al-Bukhari et Muslim ont recueilli un récit relaté par Aïcha, radiyallahu anha, Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a relaté qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia certaines choses à l'oreille de sa fille Fatima, radiyallahu anha, et que cette dernière se mit à pleurer dans un premier temps, puis se mit à rire. Suite à cela, Aïcha radiallahu anha échangea avec Fatima à ce sujet, mais dans un premier temps, elle refusa de divulguer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Et plus tard, elle eut l'occasion de l'informer de cela, et parmi ce qu'elle divulgua à Aïcha radiyallahu anha, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé la proximité de son décès et le fait que Fatima radiyallahu anha serait la première à le rejoindre parmi les membres de son foyer. Et effectivement, c'est ce qui se déroula, étant donné que Fatima radiyallahu anha décéda peu de temps après son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également annoncé que son épouse Zaynab serait la première de ses épouses à le rejoindre. En effet, l'imam Muslim a recueilli dans son authentique que Aïcha radiyallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en s'adressant à ses épouses: celle qui parmi vous me rejoindra le plus rapidement est celle d'entre vous qui est la plus généreuse, littéralement celle qui a la main la plus longue. Aïcha radiyallahu anha de dire, après avoir rapporté cela, celle d'entre nous qui était la plus généreuse, là encore, littéralement celle qui d'entre nous avait la main la plus longue, était Zaynab, car elle travaillait de ses propres mains et faisait l'aumône. Également, parmi les exemples que l'on peut citer, parmi ces faits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé et qui effectivement se sont déroulés conformément à son annonce, le fait qu'il a annoncé peu de temps avant sa mort qu'aucun de ses compagnons ne serait encore vivant après 100 ans. En effet, le Bukhari et Muslim ont recueilli dans leurs authentiques respectifs une narration d'Ibn Omar radiyallahu anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea à la fin de sa vie ses compagnons en prière à l'occasion de la prière de l'Isha. Ibn Omar radiyallahu anhuma de dire, puis il nous dit, sachez que dans 100 ans, aucun des gens qui sont actuellement vivants ne restera. Et effectivement, c'est ce qui se passa. Et d'ailleurs, toute personne qui prétendrait avoir été parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que cette personne aurait continué à vivre après ces 100 ans-là, verrait sa prétention rejetée. Parmi les faits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également annoncé, l'assassinat de certaines personnes qui effectivement furent assassinées. Al-Bukhari et Muslim ont recueilli une narration de Anas, le noble compagnon, radiyallahu anhu, qui a rapporté que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont Uhud avec en sa compagnie Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu anhum. Anas de dire, Uhud se mit alors à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, et il me semble qu'il le frappa de son pied, c'est-à-dire qu'il frappa de son pied le mont Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, calme-toi Uhud, car tu n'as sur toi qu'un prophète, un grand véridique et deux martyrs. Le grand véridique, en référence à Abu Bakr, et les deux martyrs, en référence à Omar et Uthman, radiyallahu anhuma, qui effectivement furent assassinés en martyrs. Ce qui nous mène à aborder de manière plus spécifique et précise le cas de l'assassinat de Omar, radiyallahu anhu. Al-Bukhari a recueilli dans son authentique un récit rapporté par le noble compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, qui informa un jour Omar, après que Omar l'eut sollicité à ce sujet, il l'informa donc à propos de troubles qui devaient déferler comme les vagues de la mer. Hudhayfa dit à Omar qu'il y avait, avant l'apparition de ces troubles, une porte fermée. Omar, radiyallahu anhu, lui demanda, cette porte va-t-elle être ouverte ou cassée? Hudhayfa lui dit que cette porte allait être cassée. Il faut savoir, et c'est là un point important, que Hudhayfa questionnait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos des troubles. Il disait, et il témoignait de cela en disant, les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, quant à moi je le questionnais à propos du mal par crainte qu'il ne m'atteigne. C'est ainsi que Hudhayfa avait en sa connaissance un certain nombre de déclarations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des troubles futurs. Et il était en quelque sorte spécialisé à ce sujet, et c'est pour cela que Omar l'a questionné à ce sujet-là. Et Hudhayfa donc lui a dit, et il tenait cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette porte allait être cassée. Il fut questionné à propos de Omar. Est-ce que Omar savait que c'était lui la porte? Et il répondit que Omar savait que c'était lui qui représentait cette porte-là, de la même manière que l'on sait qu'avant que ne vienne demain, il y aura la nuit. Et le fait que cette porte allait être cassée, non pas simplement ouverte, faisait référence au fait que Omar allait être assassiné, en confirmation de l'annonce prophétique, selon laquelle il allait mourir en martyr, et c'est ce qui se déroula effectivement. Radiallahu anhu. Dans le hadith que nous avons précédemment cité, relaté par Anas et recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans leur compilation de hadith authentique, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en s'adressant au mont Uhud, « Calme-toi, Uhud, car tu n'as sur toi qu'un prophète, un grand véridique et deux martyrs. » Le premier des deux martyrs était Omar, et le second, Uthman al-Tirmidhi, a recueilli dans son livre Al-Jami' une narration d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait mention de troubles. Après cela, il dit, en s'adressant à Uthman ibn Affan, celui-là, il sera tué, c'est-à-dire, pendant cette période de troubles en question, celui-là, il sera tué en état d'opprimé. Après avoir fait mention de ce récit, At-Tirmidhi a dit à propos de sa transmission qu'elle est correcte, bien que singulière. Parmi les exemples que l'on peut citer également, à propos de ces faits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé et qui se sont déroulés en conformité avec son annonce, le fait que il a annoncé que le royaume de sa communauté s'étendrait d'est en ouest. En effet, l'imam Muslim a recueilli dans son authentique une narration de Thauban, le noble compagnon, radiallahu anhu, qui a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah a rassemblé devant moi la terre, si bien que j'ai pu la voir de l'Orient à l'Occident. » Entre parenthèses, à quelle occasion cela eut lieu? Allah en est plus savant. Est-ce que ce fut durant le voyage nocturne, en l'an 10 suivant l'avènement de la prophétie, ou est-ce que ce fut en rêve? Allah est plus savant à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a rassemblé devant moi la terre, si bien que j'ai pu la voir de l'Orient à l'Occident. Et le royaume de ma communauté couvrira toute cette étendue qui a été rassemblée devant moi. Et effectivement, c'est ce qui se déroula par la suite. Et le royaume de sa communauté s'est étendu beaucoup plus d'Orient à Occident que du sud au nord, comme cela, comme l'avait annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entre également dans ce sujet, c'est-à-dire l'exposé de ces faits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, le sujet des signes de la fin des temps. C'est ce que l'on appelle Asharatu As-Sa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet annoncé de nombreux événements marquant la proximité de la fin des temps. Il y a des signes qui sont des signes mineurs et il y a des signes qui sont des signes majeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé un grand nombre de signes parmi les signes de la fin des temps. J'en cite certains exemples et nous reviendrons sur ce point ultérieurement si Allah le veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a notamment annoncé la multiplication des tremblements de terre. Il a également annoncé le fait que le meurtre allait se propager, à tel point que ni l'assassin ni celui qui a été assassiné ne sauront pourquoi il y a eu meurtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également annoncé le départ du savoir religieux et l'apparition de l'ignorance. Il a également annoncé l'apparition de la fornication et sa propagation, de même que la prolifération de l'usure et l'apparition de femmes nues tout en étant habillées. De nombreux livres ont été écrits à ce sujet. Parmi les livres écrits par les contemporains, on peut citer le livre « Ithaful Jama'a » du noble cheikh Hamoud al-Touayjiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et comme je l'ai précédemment annoncé, nous aurons l'occasion, si Allah le veut, de revenir sur ce point-là plus en détail. Et je vais m'en tenir à cela pour aujourd'hui. Et Allah est plus savant qu'il couvre d'éloge et salue son serviteur et messager notre prophète Mohammed, ainsi que les membres de sa famille et l'ensemble de ses compagnons, et l'ensemble des louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur souverain de l'univers.